Ouais. Spyco, OPAK, check ça. La fumée qui est. Spyco, ouais. Exhaleur. K.R.I.P. Secteur G, check. 2007. Y'a pas de secret. Pour chacun de nous, c'est la même chose. Les questions, les craintes se multiplient sans faire de pause. Y'en a qui gèrent. À côté de ça, y'en a qui gèrent. Après avoir incurgité les substances les plus diverses, faut pas se cacher. On a tous une petite voix qui, chaque soir, se permet de s'inviter au comptoir de nos choix. C'est vrai, j'avoue. Pour ma part, c'est familier. J'ai mes prises de conscience, mes doutes qui passent leur temps à me taquiner. Mais ceci dit, d'ici à l'autre bout du globe, le mécanisme est identique. On se bouffe tous le bout de l'orgue. On pense tous détenir la vérité. Les bons arguments, voilà pour bon. On s'écoute plus que ça finit en bombardement. Vous me direz peut-être que je fais de la philo pour ato. Pourtant j'ai 27 perches et je m'accroche encore au râteau. La confiance dans le sac à dos, un rien moins parano. Plus lucide et plus costaud depuis que je me lève et que je bosse tôt. Tu croyais quoi, on était là pour décorer l'étage. Au pire cas les clashs, je me suis promis d'honorer tous mes gars. J'affronte la surmontable sans revenir sur mes pas. J'écris ce que raconte l'instrumental. Tu croyais quoi, on était nés inadéquats. Depuis des années les débats n'ont ni queue ni tête. J'analyse la situation mondiale. Chaque jour est un combat pour vous communiquer mes thèses. Tant de définitions de la réussite, toi tu veux laquelle? C'est l'esprit critique, la fine équipe, c'est le label. Tu te rappelles, Momo, que le hip-hop est amnésique. La Belgique fait comme la France qui imite l'Amérique. Eh ouais, ça passe vite du bis, de la verte à la blanche. Soit tu sais pas, ça fait mal, comme de perdre la revanche. Y'a ta langue, les faux pas arrivent tels des avalanches. Je t'avais dit qu'il fallait pas me laisser le bic dans les phalanges. Regardez Pharan, mes vertus dans mes paroles. J'écrirai la gloire de ma mère à la Marcel Pagnol. J'ai jamais cru la liberté courait derrière une belle bagnole. Séduisante comme une madame avec l'accent espagnol. Au fait, je vous laisse passer, moi je suis pas là pour le trône. Et ouais, dans 20 ans j'aurai toujours le chrome dans la paume. Ça ne s'invente pas, j'ai la musique dans la peau. L'authenticité retentit à chaque fois que je pose. Tu croyais quoi, on était là pour décorer l'étage. Je viendrai les clashs, je me suis promis d'honorer tous mes gars. J'affronte la surmontable sans revenir sur mes pas. J'écris ce que raconte l'instrumental. Tu croyais quoi, qu'on était nés inadéquats. Depuis des années les débats n'ont ni queue ni tête. J'analyse la situation mondiale. Chaque jour est un combat pour vous communiquer mes thèses. On n'y a pas de qu'on charge à s'y cueille au moins. Plus pas garder ça plus longtemps pas de coup. On n'y a qu'elle au moins. Ils ont des saves pas côté moi passé. Y'a mais y'a que moi m'a passé. Y'a pas bien connu que moi t'es fait éviter. Sans japonais connaître qui j'en ai été. Carimé et malhonnête honnête. Tout ça pour moi c'est aucun esprit y'a moins pas qu'elle est. Après réflexion on est pour un moment. Contre temps moins belle pour la vie c'est y'a fucking dead. Et tout le monde y en serait. J'ai l'amour la voir et la beauté. T'es pour vie à yo, payant cette crête. Fini et blim blim, pas j'ai en vrai. Ce qui est des groupes, elle t'a pas pris en vrai. C'est l'année après l'année qu'on a gardé. Balay à sans sa vie à haut, tout ça au sens c'est dédié. Tout ça au conquis, tout ça au construit, tout ça crée. Et permet à plaisir, mon n'est pas le moins bien. Il faut qu'une panie mêle, mais bon, c'est yo que ça a gardé l'essentiel. Alors les savent que j'en suis sans rampant, insignifiant ou vaillant. Jaga blesse vous, pour toute décision ou prend. Jaga blesse vous.